et sortie en France. Hier, j'étais dans la mer et j'avais même pas pied. Moi, je m'en fiche parce que je nage toute seule et sans brassard. Et ben moi aussi. Et même qu'avec mon papa, une fois, on a nagé même quand il y avait le drapeau rouge. Et si nous transmettions la bonne attitude, à la plage aussi, les consignes de sécurité se respectent. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Deuxième temps d'une série de documentaires de la Fabrique de l'Histoire sur les révolutions des années 1960, aujourd'hui la bataille d'Alger. Hier, nous avons parlé d'une révolution technologique, l'invention de la Mondovision dans ces années 1960 et du village qu'il a porté aux yeux du monde, à savoir le village de Plomeur-Bodou en Bretagne. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film, le film La Bataille d'Alger. Il est signé Gilles Pontecorvo, il est tourné en 1965 et il devient une sorte de référence pour le cinéma révolutionnaire. Ce film raconte un événement de la fin des années 1950 pendant la guerre d'Algérie et c'est donc de révolution algérienne qu'il parle. Comment a-t-il été reçu à l'époque? Comment a-t-il été perçu jusqu'à aujourd'hui? C'est une des questions que nous allons vous poser dans ce documentaire qui est signé Séverine Liattard et Séverine Kassar, avec les analyses de Malek Bensmaïl, de Raphaël Branche, de Patricia Caillé, de Dao Djerbal, de Jean-Michel Frodon, de Tramor Kemener et de Benjamin Stora. C'est jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire. Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. La bataille d'Alger, c'est un film qui a bercé toute notre enfance. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que c'est un film qui était diffusé, alors à la fois projeté dans les salles de cinéma. Pour info, en Algérie, à l'époque, on avait à peu près 400 salles. Aujourd'hui, on n'en a que 5. Donc la bataille d'Alger était projetée à la fois dans les salles de cinéma, mais aussi deux fois par an à la télévision, tous les 1er novembre pour commémorer le déclenchement de la Révolution, 54, et puis le 5 juillet 62 pour commémorer l'indépendance. Donc en fait, on connaissait, nous, enfants, tous les dialogues par cœur. Et donc on rejouait les scènes, parce que faut dire quand même que la bataille d'Alger est d'une construction assez simple au niveau narratif, c'est-à-dire qu'il y a quand même les bons et les méchants. Et globalement, il y avait les paras et les commandos du FLN. Et toute ma génération est une génération qui connaissait les dialogues par cœur. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. Moi, je l'ai vu déjà jeune adolescent, hein, disons jeune homme, plutôt une vingtaine d'années. Donc, pour la première fois, on voyait la représentation de ce que nous avons vécu sur grand écran. Et ça, c'était un moment extrêmement important pour moi et pour tous les jeunes de ma génération. Avant cela, il y avait Ahmed Rachdi, un réalisateur algérien qui avait rejoint la résistance, le FLN, l'armée libération nationale aux frontières en Tunisie, qui avait fait un film sur l'Aube des damnés. L'Aube des damnés était déjà une première représentation de la guerre d'Algérie, vue côté algérien. Et là, c'est la deuxième représentation, mais alors grand public, style grand film de l'époque, par un grand réalisateur italien, avec des grands acteurs, mais aussi des acteurs qui étaient des témoins et des sujets de l'histoire. La bataille d'Alger, ou la guerre d'Algérie, à l'écran. J'ai voulu faire un film beaucoup plus sur la naissance d'une nation que sur la répression. Sur un plan strictement cinématographique, qu'est-ce qui vous attirait dans cette histoire? Mais tout, une condition permanente qui, jusqu'à maintenant, m'a attiré vers certains thèmes, c'est-à-dire la dureté de la condition humaine, et donc le choix de certaines situations historiques où la douleur et les passions humaines, une certaine tendresse pour l'homme quand l'homme souffre le plus. Alors moi j'ai vu très tard le film La Bataille d'Alger, je l'ai vu pas du tout au moment de sa sortie en 66, pas du tout quand il est ressorti en 71, et j'ai vu pour la première fois La Bataille d'Alger qu'à la fin des années 80 lorsqu'est apparu le phénomène des cassettes. Et c'est un copain algérien, un ami algérien, universitaire ou autre, qui m'a passé la cassette qu'il avait enregistrée à la télévision algérienne. Parce que le film passait très très souvent à la télévision algérienne. C'était une sorte de film national, nationaliste. C'était le film culte que tous les Algériens, d'ailleurs ils en avaient, par parenthèse, un petit peu marre parce qu'ils le voyaient régulièrement. Donc c'était assez drôle parce qu'en France, personne n'avait vu La Bataille d'Alger, alors qu'en Algérie, tout le monde connaissait par cœur le film La Bataille d'Alger. Et puis ensuite, je l'ai revu en 2004, alors là cette fois-ci sur grand écran, lorsque le film est sorti en France officiellement pour la première fois, etc. Et puis est sur Arte. Gino Pontecorvo, on a beaucoup reproché lors de la parution, lors de la sortie de ce film, on a beaucoup reproché à un metteur en scène italien de s'être intéressé à un sujet qui touchait d'abord les Français. Oui, mais pour ça, il faut faire un petit effort, essayer de se mettre dans une autre optique. C'est-à-dire, pour les Français, la guerre d'Algérie et l'Algérie, c'est un problème, disons, je parle mal le français, privé. Pour un metteur en scène étranger, italien, qui s'est toujours intéressé en général à des problèmes sociaux, la guerre d'Algérie et la bataille d'Alger ne sont qu'une page du grand mouvement, hein, du grand thème de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire l'histoire actuelle de la décolonisation et du fait qu'on est à l'époque de la naissance de toute une série de nouvelles nations. Leone d'oro di San Marco, la battaglia d'Algeri. Leone d'oro à la película La Batalla de Alger. Septembre 1966, La Bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo obtient le Lion d'or à la Mostra de Venise. La sélection du film italo-algérien a suscité d'emblée l'hostilité de la délégation française qui sort de la salle au moment de la cérémonie de la remise des prix. Ses représentants considèrent effectivement que ce long métrage politique et partisan n'a pas sa place dans l'art cinématographique. Tourné à Alger, 3 ans après l'indépendance, l'œuvre de Gillo Pontecorvo, scénarisée par Franco Solinas, s'inspire d'un livre de souvenirs écrit par Yassef Saadi, ancien chef FLN de la zone autonome d'Alger, au moment où débarquent dans la capitale, le 8 janvier 1957, les hommes de la 10e division parachutiste. À travers la figure d'Ali Lapointe, le film retrace ainsi cette lutte entre les militants algériens nationalistes et l'armée française venue rétablir l'ordre dans la Casbah. D'abord censuré en France, le film obtient finalement son visa en 1970, mais il est difficilement programmé dans les salles du fait d'attentats ou de menaces proférées par d'anciens partisans de l'Algérie française. Jugé propagandiste, le film reste censuré à la télévision française jusqu'en 2004. Entre-temps, la fiction du cinéaste italien entame une belle carrière internationale. Film culte en Algérie, il est aussi salué en Europe et aux États-Unis. Il devient à la fois un film symbole du combat des peuples opprimés, mais aussi un cours sur les techniques de lutte antisubversive proposées dans diverses écoles de guerre, notamment en 2003 au Pentagone. En fait, en 2000, le journal Le Monde, en juin 2000, accompagne le premier discours du président Bouteflika à l'Assemblée nationale par un témoignage en première page d'une femme qui a été torturée à Alger en 1957. Et donc, à la suite de cette histoire, celle de Louisa Tiril-Riz, le journal décide d'en faire un sujet et de suivre vraiment ce dossier qui est le dossier de qui est responsable en fait de la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie. Raphaël Branche, historienne, spécialiste de la torture pendant la guerre d'Algérie. Et donc, c'est un feuilleton à rebondissement pendant au moins 6 mois et même plus en fait, puisque ça ne sort plus vraiment de l'actualité à partir de là. Donc voilà, donc je ne sais pas exactement ce qui a motivé ceux qui ont ressorti le film en 2004, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'était plus du tout dans le même degré d'intérêt du public français moyen. Quand je dis moyen, je veux dire moyen en âge, en fait. C'est-à-dire que c'était plus simplement des gens qui avaient connu la période. Là, dans les salles, il y avait toutes sortes de gens intéressés par ce film qu'ils voyaient comme une source historique. Et ça fait partie du problème ou du sujet avec ce film. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Mais alors, les gens le voyaient comme un documentaire. Et donc, moi, j'étais là aussi pour l'accompagner de ce point de vue-là aussi. Alors, l'histoire de ce film, parce que vous avez un peu étudié à la fois l'histoire de ce film et d'autres films de fiction sur la guerre d'Algérie. Alors, celui-là, il est un petit peu particulier parce que... Il est très particulier, ouais. D'abord, c'est pas un film français. Oui, absolument. Mais ça, c'est important. Mais oui, c'est essentiel. Oui, c'est un film... C'est un film avec un acteur, l'acteur principal qui est français, qui parle de la France et qui est d'ailleurs en français en grande partie. Mais c'est un film coproduit. Qui doit être italo-algérien au moins. Pentecôvre est un Italien, et en revenant un petit peu sur la genèse, ce film permet aussi de savoir qu'il y avait déjà un autre film qui était en préparation, qui était Para, de Pentecôvre, qui était signé par Solinas aussi. Malek Ben Smaïl, documentariste. Et Para avait, moi j'ai eu accès au scénario, etc., avait, alors c'était un film sur les paras, mais aussi d'un point de vue, je dirais, il faut quand même rappeler que Pentecôvre était dans une dynamique, et toujours d'ailleurs dans une dynamique anticoloniale, indépendantiste, etc., bien sûr communiste, résistant, etc. Et Pentecôvre et Solinas s'étaient déjà déplacés juste après la bataille d'Alger, donc 57-58, pour commencer à questionner un certain nombre de grands militaires, de chefs militaires français, dont Massu, Bijard, etc. Trinquier aussi. Et donc, ils arrivent comme ça à élaborer un premier scénario qui s'appelle Para. Le film n'arrive pas à se monter. Entre-temps, Yacef Saadi est en prison. Lors de la bataille d'Alger, il est emprisonné. Et puis, il écrit ses mémoires, Mémoires de la bataille d'Alger. Et après avoir écrit ses mémoires, écrit une sorte d'adaptation scénaristique, mais qui est très mauvaise. Vient en France. En France, on le rejette, puisqu'on dit, mais... Vous nous avez sorti d'Algérie, c'est pas pour produire un film sur la bataille d'Alger. Et donc, du coup, on lui dit, mais va en Italie. Donc, il va en Italie. En Italie, rencontre Fellini, Rossellini, etc. Et du coup, on le renvoie sur Pentecôvre parce que les cinéastes italiens, les confrères de Pentecôvre, savent qu'il avait commencé à travailler sur ce scénario Para. Une rencontre se fait, et à ce moment-là, ils se rendent compte effectivement que le livre de Yacef Saadi est très intéressant, qu'il y a possibilité peut-être de changer d'axe. Donc Solinas regarde ça et ils se remettent au travail, repartent en Algérie pendant la période de l'indépendance et commencent effectivement à fouiller, à repartir dans la Casbah et du coup à questionner effectivement les commandos FLN encore vivants, etc. etc. Et du coup, c'est par justement ce croisement d'informations à la fois sur la première genèse de Para et à la fois sur les informations qu'a ramené Yacef Saadi sur les commandos, les poseuses de bombes, etc., qu'effectivement est né ce beau, très beau scénario qui est celui de la bataille d'Alger. Mais je le rappelle parce que la genèse, souvent on parle ou de Pentecôvre ou de Yacef Saadi, très peu de Solinas par exemple, alors que ça a été l'un des plus grands scénaristes qui a signé les films de Joseph Losey, de Costa Gavras, entre autres, etc. Donc, voilà, moi j'aime bien revenir à la genèse et recontextualiser un petit peu toute cette période. Se pose la question du financement du film. Et le financement du film va se faire effectivement beaucoup avec les deniers de l'État algérien. Yacef Saadi va créer sa société de production, qui va être la première société de production en Algérie, qui va être privée. Et donc l'Algérie, via Ben Bella, va financer en grande partie le film par l'intermédiaire de cette société de production, Casbah Film. Il faut rappeler aussi que Boumediene est le colonel, à ce moment-là, ministre de la Défense de Ben Bella, qui va mettre à disposition les camions, les tenues, l'armée, les hommes et aussi les chars, etc. C'est une période où l'Algérie est extrêmement pauvre, mais on va trouver à ce moment-là les moyens quand même pour financer ce film-là. Mais aussi, c'est une manière politiquement d'écarter Yacef Saadi des enjeux politiques. Yacef Saadi, à ce moment-là, demande la chefferie de la gendarmerie, et à ce moment-là, Boumediene dit « il n'en est pas question ». Et pour un peu le calmer de cela, on lui donne la possibilité de financer ce beau projet qu'il avait depuis la prison. On est dans vraiment un film un peu officiel de ce point de vue-là, en tout cas pour son financement. Et puis surtout, comme il est tourné au moment du changement du régime, en 1965, en plein coup d'État de Houari Boumediene, évidemment, ça complique en plus l'analyse. C'est-à-dire, le film a été conçu sous Ben Bella, c'est-à-dire sous le premier socialisme, le premier régime, et puis il est finalement monté et finalement diffusé sous Boumediene. Bon, j'imagine pas qu'il y ait eu beaucoup mais je serais curieuse de le savoir si c'est le cas, d'intervention de l'État algérien après 65 sur ce film. Et Yacef Saadi, a priori, l'a soutenu jusqu'au bout et il a dû avoir le soutien de l'État jusqu'au bout. En tout cas, il est avec lui quand il est montré à Venise. Mais voilà, ça fait un contexte très particulier. Ils aiment souvent à raconter le tournage en 65 et ça, c'est un régal pour un historien ou une historienne parce que voilà, quand tout se mélange à ce point, la fiction, voilà, d'imaginer que les Algérois ont pu penser que c'était un tournage de film alors qu'en fait c'était un coup d'État. Enfin voilà, et un film qui par ailleurs parlait d'une présence militaire très forte dans la ville. Enfin voilà, c'est ironique au minimum. Juin 1965. Ces images ont été tournées ce matin par nos amis à Caire et Ankiri qui s'étaient rendus à Alger pour la seconde conférence afro-asiatique. Alger s'est réveillé au bruit des chenilles des chars. Tout s'est passé très vite, je crois que l'on peut dire. Ben Bella a été renversé en quelques minutes. Le colonel Boumediene, chef d'état-major de l'armée qui a dirigé le putsch, préside le Conseil révolutionnaire provisoire qui prend la tête de la République algérienne. Les Algérois étaient passifs car ils croyaient que c'était un film que l'on tournait. Depuis 2 jours, en effet, à Alger, des chars sont dans la ville car on tourne un film sur la bataille d'Alger. Mais à midi, tout a changé car la radio a commencé à diffuser des messages. Jean-Michel Frodon, La bataille d'Alger, le film de Gillo Pontecorvo, sort en 1965. Dans une histoire du cinéma un petit peu plus formelle, on a parlé de films néo-réalistes, de fiction, documentaires, de films de propagande. La bataille d'Alger est au carrefour de tout ce que vous venez d'énoncer. Et on pourrait même ajouter aussi, c'est un film de guerre, c'est un film d'action, c'est un film qui joue aussi sur les ressorts de l'émotion, de l'affrontement, de la tension. C'est un film politique, bien évidemment. C'est un film de propagande au sens où il est conçu par un dirigeant politique, Yacef Saadi, ancien dirigeant du FLN dans la Casbah d'Alger. C'est un film pour lequel Gillo Pontecorvo revendique la référence au néo-réalisme dans la mesure où la quasi-totalité des interprètes, en tout cas des interprètes algériens, ne sont pas des acteurs, sont des gens qu'il a trouvés dans la rue, ce qui est une des caractéristiques du néo-réalisme. En même temps, la référence néo-réaliste est un peu abusive parce que c'est un film extraordinairement contrôlé et organisé, alors que le néo-réalisme était une manière de filmer qui accueillait les événements de la réalité et aussi qui n'était pas construit sur l'héroïsme et l'héroïsation de certaines grandes figures. C'était au contraire un cinéma qui remettait en question façon de raconter les choses dont Hollywood reste le principal modèle. C'est aussi un film politique et très intéressant à ce niveau-là dans la manière dont il traite ses personnages principaux et notamment les méchants. Les méchants dans le film étant les paras de Bijard et le capitaine Mathieu qui représente, disons, Bijard de manière à peine fictionnée, avec intérêt, avec une certaine degré de nuance et d'attention et à leur motivation. Et c'est un film qui questionne, à mon avis, de manière problématique, de manière discutable, ce qui fera après son utilisation, y compris par l'armée américaine et les services secrets, c'est-à-dire le passage d'une victoire militaire. Les Français gagnent la bataille d'Alger à une défaite politique. Les Français perdent la bataille politique et la guerre d'Algérie. Puis-je vous poser quelques questions, mon colonel ? J'ai une réunion chez le préfet. Peut-on au moins savoir ce qui se passe ? Absolument rien. On fait un premier bilan. Allez vous rendre compte par vous-même. J'ai mis tous les moyens à votre disposition. Allez faire un tour et vous verrez ce qui se passe. En tout cas, la grève semble avoir réussi. Non. Elle a manqué son objectif principal. L'insurrection ? L'insurrection. Mais ce n'est pas une grève insurrectionnelle. Et vous croyez aux affirmations du FLN ? Elles semblent plausibles cette fois-ci. Une grève générale est un bon argument pour l'ONU. L'ONU est lointaine, cher monsieur. Comment peut-elle juger de l'importance d'une grève ? Pour le FLN, il serait plus facile de se faire entendre avec les bombes. C'est ce que je ferai à leur place. Qu'est-ce qu'une insurrection armée pourrait impliquer en ce moment ? Ce qu'implique toute insurrection armée. C'est un moment inévitable de la guerre révolutionnaire. Après une première phase de terrorisme, on passe à l'insurrection armée. C'est ainsi que de la guérilla, on passe à la vraie guerre. Dien Bien Phu. Précisément. En Indochine, ce sont eux qui ont vaincu. Et ici ? Cela dépend de vous. De nous ? Auriez-vous l'intention de nous faire recruter, mon colonel ? Dieu m'en garde. Vous devez seulement écrire et si possible bien écrire. Les guerriers, il y en a plus qu'il n'en faut. Qu'est-ce qui manque alors? Une volonté politique qui parfois existe, parfois non. Parfois elle est insuffisante, selon les jours. Hier, que disait-on à Paris? Rien. Un autre article de Sartre. Qui peut me dire pourquoi les Sartres naissent tous d'un même côté? Alors Sartre vous plaît, mon colonel? Non. Mais il me plaît encore moins de l'avoir comme adversaire. Pontecorvo part sur une base aussi, dans l'écriture de scénario, de revisionnage de l'ensemble des actualités de l'ORTF de l'époque et de ce qui a pu être tourné aussi par les chaînes italiennes, russes, etc. Malek Ben Smaïl. Et donc il y a des scènes de journaux télévisés, des scènes des conférences de presse qu'il reproduit quasiment à l'identique. Donc c'est quelqu'un qui va être très proche de l'espace documentaire, qui va, même dans le choix formel, choisir un noir et blanc extrêmement particulier, qui va demander une fabrication de pellicule très très spécifique, avec un grain très granuleux, un noir et blanc très dans les contrastes, etc., qui se rapproche de ce noir et blanc un peu télévisuel, en utilisant parfois des courtes focales ou des longues focales tremblotantes, comme si c'était une caméra un petit peu portée. Donc il a maîtrisé totalement à la fois la forme, mais aussi dans le choix, effectivement, du casting. Le choix du casting a été d'abord, effectivement, d'aller vers des visages, surtout. Ça, c'est ça qui l'intéressait, des corps. Travailler la question du corps, la question de l'émotion, des visages, etc. C'était plus important que même les dialogues. Et d'ailleurs, ils ont fait parfois simplement bouger le labial, mais et qu'il y a eu de la post-synchro par la suite. Donc il y a eu recrutement comme ça dans le casting d'Ali Lapointe, qui était donc joué par Brahim Haghieg, et qui a été extraordinaire, parce qu'effectivement il y a une présence extraordinaire, et c'est un acteur qui n'a plus joué par la suite. Et toute la figuration, l'ensemble des acteurs, effectivement, des seconds rôles, etc., est épuisé dans la Casbah, dans Alger. Les femmes aussi, très très importantes. Alors il y a eu une ou deux comédiennes, mais en tout cas c'était pour être au plus proche d'un certain réalisme, et ça fonctionne très bien. Il est pas là ! Monsieur Jean Sarraut, inspecteur général en mission extraordinaire, a présidé une réunion qui avait pour objet l'organisation à Alger de la lutte contre l'activité rebelle. C'est un film aussi qui est très pédagogique quelque part, extrêmement visuel, extrêmement bien fait, et au niveau de l'image, c'est une image, une photo qui est excellente. Tramorquet Meneur, historien, spécialiste des appelés en Algérie. Et effectivement, il y a ces scènes-là qui sont extrêmement fortes, à la fois du défilé parachutiste donc dans les rues d'Alger, première image, on va dire, de l'arrivée des parachutistes à Alger qui est très forte, et la deuxième qui est effectivement cette explication de comment ça fonctionne, comment est-ce que l'on va procéder, et on le visualise très bien, autant on peut l'expliquer dans des livres, dans des cours, etc., autant là, on le voit directement, et c'est aussi comment l'image fabrique l'histoire. C'est-à-dire que maintenant, ça devient tellement une image emblématique que c'est ce qui va nous apparaître finalement sur la manière dont ça s'est fait. Peuple algérien, le colonialisme, après avoir cherché par tous les moyens à éviter le débat sur la question algérienne à l'ONU, tentera de démontrer que le FLN n'est que l'expression d'une minorité. Frères et sœurs, l'opinion publique internationale est avec nous. Montrons au monde que notre peuple est uni et décidé. Le propos global du film, c'est quand même de dire que c'est le peuple qui fait la révolution. Le peuple algérien, comme entité active et dynamique, travaillé de l'intérieur par des militants. Raphaël Branche. Et Pontecorvo est communiste, hein, donc cette question de travailler le peuple, ça, il connaît. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel point on est soi-même le peuple quand on travaille le peuple? Donc c'est compliqué, mais enfin c'est une question évidemment pas propre à l'Algérie. Giulio Pontecorvo, lorsque vous avez tourné La bataille d'Alger, vous aviez l'intention d'en faire véritablement un film politique. Mai 1970. Mais évidemment, c'est un film politique. Quand je me suis décidé à faire ce film, on a pensé au début à faire une histoire, on s'était orienté à écrire une histoire, disons, traditionnelle, avec des personnages individuels, disons. Et puis la chose nous a semblé, je dis, semblait à Soline, c'est moi, assez non moderne, non juste. Et on s'est orienté vers un personnage collectif, c'est-à-dire rompre avec la tradition, le schéma du film habituel, et adopter dans La bataille d'Alger un conte où on essaierait de faire identifier le public, pas avec l'héros, mais avec un héros, un cœur, un héros collectif. Et ça a été l'effort de la dictature de la vérité. Bah, moi, j'ai été très surpris en regardant ce film pour la première fois, hein, parce que la propagande de l'extrême droite française autour de ce film, et de la droite classique, etc., c'était de dire que c'était un film du FLN. Benjamin Stora, historien, spécialiste de la guerre d'Algérie. C'est un contraire beaucoup plus nuancé que ça. C'était beaucoup moins, disons, manichéen que ça. Et en particulier, moi, la scène qui m'avait surpris, c'était le regard d'un enfant avant l'explosion. Et l'hésitation, je crois, des femmes algériennes qui étaient chargées de déposer les bombes et qui étaient dans des drames de conscience individuelle, personnelle, etc. Donc je voyais face à moi des Algériens qui n'étaient pas des espèces de héros robots, mais je voyais au contraire des hommes et des femmes qui étaient en proie à des différentes interrogations sur le sens de leur mission, de leur bataille, etc. Et de l'autre côté, du côté français, j'avais été très surpris par, je cite de mémoire, hein, je crois que c'était le colonel Mathieu, et qui, lui aussi, était pas si implacable que ça. Il y avait chez lui, dans mes souvenirs, une forme de respect du combattant algérien courageux qui affrontait quand même l'armée française, qui était une des armées les plus puissantes du monde. Donc, le premier regard que j'ai eu sur ce film, c'était ça d'abord, une surprise sur ce côté non manichéen. C'est-à-dire montrant les choses, etc. Puis la deuxième fois, c'était quand même le film lui-même, l'aspect cinéma, caméra à l'épaule et le noir et blanc. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un film qui a été réalisé en noir et blanc en 65, alors que le cinéma couleur existait déjà beaucoup. Donc il y avait peut-être un parti pris. Alors il y a clairement... Jean-Michel Frodon, critique et historien du cinéma. Et une esthétisation et une... dramatisation efficace qui cherche à créer la tension, et Pontecorvo utilise des procédés pour captiver les spectateurs, les faire réagir au profit de quelque chose que je ne qualifierais pas de manichéen, parce que le colonel Mathieu, c'est pas Liberty Valance, c'est pas un espèce de fou alcoolique ivre de haine et de vengeance. Front de Libération Nationale. Communiqué numéro 24. Peuple algérien, l'administration coloniale n'est pas seulement responsable de la misère de notre peuple et de son esclavage, mais aussi de l'abrutissement, de la corruption et des vices dégradants de beaucoup de nos frères et sœurs qui ont oublié leur propre dignité. À partir de ce jour, les autorités clandestines du FLN assument la responsabilité de la santé physique et morale du peuple algérien et décident en conséquence. Sont interdits la consommation et la vente de tout type de drogue et de boissons alcoolisées. Sont interdits la prostitution et le proxénétisme. Les contrevenants seront punis. Ce qui dérange le plus, je crois, c'est cette forme d'unanimisme. Tramorquet meneur. Ça a été le mot d'ordre du FLN, a posteriori, on va dire, un seul héros, le peuple, et on le voit complètement dans ce film-là, avec ces gros plans sur plein de personnages, des personnes âgées, des enfants, etc., etc., qui sont finalement tous investis dans une seule et même logique, qui est celle de l'indépendance algérienne. Or, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, en même temps, le FLN, on le voit ça dans le film, sait qu'il a tout un travail à faire pour convaincre la Casbah de prendre fait et cause pour le FLN. Et d'ailleurs, l'armée réagit. Il y a une scène où l'on voit l'armée avec des haut-parleurs dire à la population de la Casbah « Nous sommes avec vous, nous, l'armée française. Ne vous laissez pas entraîner par les voies du FLN. » Oui, mais il n'y a pas du tout de résistance. Il n'y a pas du tout de... Par exemple, n'apparaît aucunement dans ce film-là la figure du harki. Il n'y a pas finalement d'Algériens qui seraient proches des Français ou qui rejoindraient le camp, quand bien même un peu malgré lui. La seule personne qui rejoint, enfin qui donne des renseignements à l'armée française, il a été torturé auparavant, il le fait contre son gré et il est en pleurs. Ce qui est en plus fort pour un combattant algérien, viril. On montre bien que c'est vraiment contre son gré. Ou sinon, il n'y a aucune personne qui va à l'encontre de ce mouvement-là, finalement, une sorte de rouleau compresseur en faveur de l'indépendance au fur et à mesure qu'il se déploie. Et ça se voit d'ailleurs à travers la scène qui est tout à fait importante, qui se situe à la fin du film, non pas sur la bataille d'Alger en tant que telle, mais sur les manifestations de décembre 1960, où là on voit vraiment le peuple réinvestir justement sa lutte pour l'indépendance algérienne. En même temps, on voit bien dans ce film, Raphaël Branche par exemple, que à l'intérieur même du FLN, il y a certaines dissensions, des désaccords, grève générale, pas grève générale, poser des bombes, pas poser des bombes, et qu'est-ce qu'on fait après la révolution? Est-ce que la population est avec nous? La révolution vient-elle du haut? vient-elle du bas? Il y a quand même toutes ces problématiques qui sont posées dans ce film. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des dissensus qui sont visibles dans le film. Ils sont quand même minoritaires et ils sont pas tellement discutés comme des options stratégiques. Mais effectivement, on sent qu'il y a eu des discussions, des débats. Et puis, sont intéressantes les figures de ce que le FLN appelait les traîtres. C'est-à-dire tous ces déviants, ça va de l'alcoolique au déviant politique. Et là aussi, il y a des choses assez fines qui sont montrées par Pontecorvo sur les besoins d'un parti clandestin. C'est-à-dire vraiment, en fait, sa tentation autoritaire permanente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'être démocratique en tout cas, c'est ce que semble dire le film. En tout cas, c'est aussi l'expérience réelle du FLN. On peut difficilement être un parti démocratique ou avoir un fonctionnement démocratique quand on est clandestin et à ce point réprimé. Et donc, de fait, le FLN utilise des méthodes de répression interne qui sont très dures. On voit par exemple la proxénète qui est assassinée. Donc, c'est aussi l'ordre moral. Oui, c'est-à-dire, absolument. Ben oui, voilà. Bien sûr. L'alcool, le sexe. C'est intéressant aussi pour l'Algérie des années 60, qui n'est pas encore une Algérie islamisée du tout. Mais voilà, on est déjà dans un moment où... Enfin, cette question de l'islam, parce que c'est la question de l'islam qui est derrière, là, en l'occurrence, sur l'alcool, c'est une question qui s'est posée au FLN depuis le départ. À la fois, évidemment, on voit bien que l'alcool, c'est la pente vers la parole, éventuellement donc la délation, etc. Donc évidemment, il ne faut pas que les gens boivent parce qu'ils pourraient parler, mais c'est au-delà de ça, bien sûr, c'est aussi un interdit musulman. Et à partir de là, est-ce que le FLN, enfin au nom de quoi le FLN interdirait de boire? Et il y a toutes sortes de réponses possibles au sein du FLN, mais une des réponses, c'est que la nation algérienne est une nation musulmane. Et ça, en 1965, oui, c'est déjà très largement affirmé. Sans doute qu'après le coup d'état de Boumediene, ça allait encore un peu plus, oui. Il y a même une scène où les enfants sont là pour, d'une certaine manière, combattre l'immoralité. Il y a un homme complètement éméché parce qu'il a trop bu et on demande aux enfants de le lyncher. Non, voilà, ce sont les enfants, effectivement, qui vont porter la pierre contre cette personne-là, dans une dimension également qui est bien prise en charge par le FLN aussi, de contrôle de la population, notamment contre le tabac, l'alcool, et donc qui va... Et la prostitution, effectivement, d'où vient Lila Pointe. Voilà, à la fois cette dimension-là, on va dire, sociale... Pourquoi pas, effectivement, lutte contre la prostitution. On a la dimension d'un proto-État qui, de ce point de vue-là, se met en place. Mais en même temps, c'est une dimension aussi d'assainissement, on pourrait dire, de la population. C'est pas du tout vu de manière critique, au contraire. Bien savoir qu'une lutte de libération, comme a été ce qu'on peut appeler la guerre d'Algérie, c'est une lutte contre une hégémonie. Daoud Djerbal, historien, spécialiste du FLN. Donc en fait, la lutte menée par le FLN à l'époque, dans les milieux urbains comme dans les campagnes, c'est d'imposer sa domination sur les moments quotidiens. Et pour pouvoir le faire, il faut, disons, mener des... purification morale, pour que les gens se mobilisent autour d'un seul pouvoir, qui est le pouvoir politique représenté par le FLN. D'où aussi les liquidations, d'où aussi les luttes d'intestine, d'où aussi les luttes contre d'autres organisations comme le MNA, etc. Oui, selon vous, c'est un petit peu la problématique de toute organisation révolutionnaire. Absolument. Tout avait un sens politique, et pas un sens religieux. Le débat que pose le film, mais dans les termes dans lesquels on le regarde davantage aujourd'hui, porte sur le lien entre action politique et ordre moral. Patricia Caillé, spécialiste des cinémas du Maghreb. Le film superpose deux cadres de référence qui vont s'avérer irréconciliables, islamiques et modernes. C'est Ali Lapointe qui représente le héros de cette purification d'une certaine manière. Complètement. Alors que lui-même est représenté comme étant initialement un petit délinquant. Et donc il y a déjà cette tension, c'est la façon dont lui, Ali Lapointe, a compris les enjeux et va se révolter. Parce que le film montre d'ailleurs comment il s'est déjà même révolté avant d'arriver en prison et de rencontrer les militants du FLN. Puisqu'il, quand il essaye d'échapper à la police française, dans sa course, il se retourne donc contre le jeune Français qui lui fait un croche-pied. Et lui inflige une correction. Donc déjà, il est acquis à l'idée. Il est acquis à l'idée. Il a déjà quelque part compris qu'il fallait lutter contre l'occupation. Mais c'est vrai que toute cette partie qui est à la fois, on se débarrasse de l'alcool, il faut se débarrasser de tout ce qui est néfaste pour le peuple algérien, n'a pas été au centre des questions qu'on a posées au film. Et c'est bien plus tard que ces questions ont été posées. La question des femmes aussi, elle est intéressante dans le film de Ponte Corvo. Oui, c'est vrai. C'est les poseuses de bombes. C'est vrai. Et c'est aussi la dernière image du film. Hein. Enfin, oui. Il l'a voulu, hein, il le dit lui-même. Ouais, ouais. C'est une femme qui... Décembre 1960, le peuple sort dans la rue et c'est le visage d'une femme. En fait, je suis un peu embêtée avec ça, et de même avec la scène de départ en fait, du film, qui est une scène de torture. Donc, c'est un film très intéressant parce qu'effectivement, il a comme héros principal Yacef Saadi, son lieutenant évidemment, et puis ces trois femmes poseuses de bombes qui sont moins creusées que Saadi, mais voilà, qui sont essentielles à l'intrigue et puis qui sont essentielles aussi pour comprendre la spécificité de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Et puis appuyer sur une réalité historique. Donc, très bien. Là où j'ai pas une réticence, mais où je pense qu'on voit plus le film aujourd'hui comme on le voyait à l'époque, c'est que cette réalité-là de la guerre d'Algérie est une réalité ultra minoritaire. Il faudrait même un autre mot pour dire ultra, extrêmement, extrêmement minoritaire. Or, ce film a eu un tel succès, il a eu un tel usage comme film d'apprentissage révolutionnaire, et puis comme film presque de cours d'histoire, et puis évidemment en Algérie aussi, hein, puisqu'il est montré tout le temps comme racontant l'histoire. Il participe d'une distorsion de la vision qu'on a sur le passé. Alors, voilà. Donc là, j'ai une réticence, alors que je trouve que ces figures de femmes sont très intéressantes. Elles sont historiquement passionnantes, parce que les femmes et la violence, c'est toute une histoire, justement pas complètement assumée. Pas telle. Et là, c'est très clairement dit, hein, ce sont des femmes qui apportent la mort, il n'y a aucun problème. Historiquement, le FLN est un des premiers mouvements à recourir à ce genre de pratique, hein, d'attentat dit aveugle, en fait pas aveugle, hein, qui vise des civils européens, enfin dit européens, des civils non algériens. Après, quand on va dans des pays où ce film est diffusé, les gens ne connaissent de la guerre d'Algérie que ce film. Donc l'image qu'ils ont de la guerre d'Algérie, c'est des femmes qui posent des bombes. Alors voilà, c'est juste tellement pas ça. Et en même temps, c'est assez passionnant aussi, parce que ça nous interroge, je trouve, quand on fait de l'histoire, sur comment les gens se représentent le passé. Et le poids de la fiction, c'est fondamental. Donc voilà, les gens se représentent la guerre d'Algérie, et ce film est un des matériaux de base de la représentation populaire de la guerre d'Algérie, donc, et mondiale. Et c'est la même chose pour la scène de torture du début. Donc on voit un homme qui avoue et qui est ensuite amené à aller identifier l'endroit qu'il a nommé au cours de son interrogatoire. Alors c'est une pratique courante d'interroger des gens pour savoir quelque chose. Ce qui m'embête un petit peu, si on veut dire ces choses comme ça, c'est que dans ce film, et ça commence par la pratique de la torture, ça marche. Donc on est dans une espèce de non-interrogation, le mot est un peu maladroit pour une pratique qu'on appelait d'interrogatoire, mais non-interrogation de l'efficacité de la torture. Ou plus exactement, elle est présentée, la torture, comme une méthode efficace. Et c'est une catastrophe, ça. C'est vraiment une catastrophe. Alors c'est une catastrophe parce que ça pourrait donner envie à des gens de la pratiquer en pensant que ça marche. Et en plus, historiquement, ça correspond là encore pas du tout à la majorité des cas où on a torturé en Algérie. Enfin, ça, c'est en tout cas, moi, ce que j'ai montré dans ma thèse, et jusqu'à présent, personne n'a dit autre chose, c'est que la pratique de la torture n'a pas pour but principal d'obtenir des renseignements. Même si les acteurs qui l'ont pratiqué ont pensé qu'ils faisaient ça pour du renseignement. Mais ce que je constate, moi, c'est son efficacité redoutable pour terroriser la population. Et c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement, je crois, dans cette guerre politique. Colonel Mathieu. On parle beaucoup en ces derniers temps, non seulement des succès obtenus par les parachutistes, mais aussi des méthodes qui serait utilisé par eux. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Les succès dont vous parlez sont les résultats de ces méthodes. Les uns présupposent les autres et vice-versa. Excusez-moi, mon colonel. Il semble que, peut-être par excès de prudence, mes collègues continuent à poser des questions indirectes auxquelles vous ne pouvez répondre qu'allusivement. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler les choses par leur vrai nom. Et si on veut tout dire, parlons de la torture. Compris. Et vous, vous ne posez aucune question? Les questions ont déjà été posées. Je voudrais que les réponses soient plus précises, c'est tout. Essayons d'être précis. Le mot torture n'apparaît pas dans nos directives. Nous avons toujours parlé d'interrogatoire en tant que seule méthode valable pour une action de police contre une organisation clandestine. Nous pourrions en parler des heures durant sans arriver à une conclusion. Car tel n'est pas le problème. Le problème est, le FLN veut nous chasser d'Algérie et nous, nous voulons y rester. Et lorsque la rébellion du FLN a éclaté, il n'y avait même pas de nuance. Tous les journaux, l'humanité compris, ont demandé qu'elle soit étouffée. Nous avons même été envoyés ici pour cela. Et nous, messieurs, nous ne sommes ni fous, ni sadiques. Ceux qui aujourd'hui nous appellent des fascistes feignent d'oublier la part importante que beaucoup d'entre nous ont pris dans la résistance. Ceux qui nous appellent nazis ne savent peut-être pas que certains d'entre nous ont survécu à Dachau et à Buchenwald. Nous sommes des soldats, et nous avons le devoir de vaincre. Alors, pour être précis, à mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. L'armée jamais ne parlera de torture et le pouvoir politique ne l'utilisera que pour dire que ce n'est pas ce que l'armée fait. Donc ce qu'on fait dire à Mathieu dans le film, c'est effectivement ce qui est produit à l'époque par l'armée pour justifier ce qui n'est pas appelé la torture, qui est appelé l'interrogatoire sous la contrainte ou sous la pression physique. Et dans un texte très fameux qui s'appelle « Entre deux mots, choisir le moindre », MAUX, on nous explique que mieux vaut presser de questions un suspect ou un coupable, encore mieux, plutôt que de laisser une bombe exploser dans un stade. Et ça sera toujours l'argument de l'armée française face aux accusations de torture, de dire que c'est le FLN, finalement, qui, par ses pratiques, a obligé les militaires à torturer, en fait. Ce qui est on ne peut plus discutable. Et surtout, qui ne rend pas compte, finalement, historiquement, fondamentalement, de pourquoi la pratique de la torture a été si massive en Algérie et pas cantonnée à des services de renseignement ponctuels. Elle était plus systématique. Elle est systématique. Elle est pratiquée, elle peut être pratiquée. Elle n'est pas interdite dans toutes les unités. Alors après, tout le monde ne torture pas en Algérie. Hein. Ça, c'est absolument important de le savoir aussi. Et il y a des endroits où elle a été efficacement interdite. Mais il y a aussi des endroits où elle a été... où on a laissé les hommes, par exemple, affamer des prisonniers ou les battre, les laisser sans soins, sans aucune perspective de sortie. Donc oui, c'est massif. Je me souviens d'un article d'Henri Chapier qui avait fait un très bel article sur la bataille d'Alger sur le fait que pour la première fois on montrait la torture à l'écran. Et il mettait l'accent sur ça dès 66. On parlait beaucoup de la torture pendant et après la guerre d'Algérie. C'était la question, bien sûr, titre du livre d'Henri Alleg. Mais dans le fond, on n'avait jamais visualisé la torture. Il n'y avait pas d'image sur la torture. Et alors, le fait que Pontecorvo, parce que c'est Pontecorvo qui montre cela, il y avait eu la polémique autour de Pontecorvo quand même, hein, sur son film Capot. C'est-à-dire le fait de montrer les choses absolument, et Danné avait été très violent sur le travelling, sur les barbelés du camp. Il avait condamné absolument ça de Pontecorvo. Et puis tout d'un coup, en travaillant plus tard, sur ce film, et en me remémorant l'article de Chapier, je me suis dit, est-ce que dans le fond, Pontecorvo en 65 n'était pas dans une suite de Capot? C'est-à-dire, on montre tout, on n'essaye pas de censurer ou de s'auto-censurer. Donc, il y avait une interrogation pour moi dans ce travail de ce film-là, c'est-à-dire, comment montrer la torture? Faut-il montrer la torture? C'était pas évident, quoi, je veux dire, de ma part, dans la réflexion. Puis, à la vérité, je me suis dit, il a eu raison de le faire. Mais Pontecorvo, il transgresse quand même quelque chose, Raphaël Branche, en 65. En montrant cette scène. Et en plus, au cours du film, il y a une deuxième scène de torture où il montre la Gégène, la baignoire. Bon, en 65, il n'y a pas vraiment d'autres films qui montrent... Dans Le Petit Soldat de Godard, qui est un film de 61, si mes souvenirs sont bons, il y a une scène de torture à la baignoire, dans un film extrêmement étrange de Godard, puisque... décalé, puisque la torture dans le film de Godard est pratiquée par les Algériens. C'est un film qui se passe à Genève, c'est l'histoire d'un déserteur, bon voilà. Mais forcément, Godard ne peut pas faire autrement que d'être dans le décalage. À ce moment-là, on est en pleine guerre. Et donc là, il y a une première représentation d'une pratique que tout le monde, ou tous ceux qui s'intéressent au sujet en France à l'époque, savent pratiquer par l'armée française en Algérie, c'est-à-dire la torture à la baignoire, qui par ailleurs est une lourde histoire, puisque en France, elle est associée à la Gestapo. Donc voilà, donc il y a cette première représentation. Effectivement, j'en connais pas d'autres avant, mais il y en a peut-être, hein, avant Pontecorvo, mais qui n'est pas un film vu par les Français. Donc voilà, il transgresse, en tout cas, il assume, et puis commence son film comme ça. C'est ça, c'est un vrai, vrai choix. Hein. Et puis voilà, juste entre les deux, il y a Muriel d'Alain Resnais, là, qui est vraiment un film magnifique, justement, parce qu'il ne montre rien. Donc oui, il y a fondamentalement une réflexion sur qu'est-ce qu'un cinéaste doit faire avec la violence de ce type. Et je trouve que la réponse de Resnais est extraordinaire. En tant que spectateur, elle nous pousse à regarder, à attendre des images sur une scène de torture, et il choisit d'en en mettre aucune, et simplement un récit qui va donc provoquer nos images mentales sur un support qui est un support anodin de films amateurs de soldats. Et ça, c'est vraiment, ça dit tellement de choses sur les multiples décalages entre ce que les métropolitains savaient et ce que les soldats ont réellement fait en Algérie. Ce film est extraordinaire. C'est un film qui accompagne la sortie de la guerre pour ça. À la différence de Pontecorvo, voilà, il n'est pas du tout... c'est un film lent, c'est un film qui n'a pas du tout le même succès. Donc voilà, ce n'est pas des films comparables de ce point de vue-là. Et c'est deux choix esthétiques qui n'ont rien à voir, qui sont efficaces à leur manière, tous les deux d'ailleurs. Hein, mais Pontecorvo fait un choix de montrer, de dire, et je pense que c'est un choix intéressant. Sans compter qu'il le fait de manière... La scène n'est pas insoutenable, ni pour les atteintes au corps, ni pour les cris, ni pour la durée. Donc, il y a un dosage intéressant qui permet, il faut évidemment qu'on puisse la regarder et regarder la suite du film. Quoi, donc. Alors, tu ne pouvais pas te décider sans faire tant d'histoires. Ça aurait été mieux pour toi. Il a finalement craché le morceau. Donne-lui du café. Allez, bois un coup. Ça va te remettre. Vous avez demandé le retrait du film La Bataille d'Alger, pourquoi? Si nous avons demandé le retrait de ce film, c'est que nous avions le sentiment qu'il était encore prématuré de le passer dans les salles de spectacle, étant donné que 13 ans, ça peut paraître long à certains, pour nous c'est encore très court. Juin 1970. Beaucoup de rapatriés ont encore à vif les blessures qu'ils ont ressenties à l'époque. Et cela nous a semblé, en quelque sorte, une provocation de nous passer ce film en ce moment. Provocation, pourquoi? Pensez-vous que les gens, les Français ou les rapatriés ne peuvent pas voir ce qui s'est passé? Moi, je veux bien si cette histoire n'est pas orientée, n'est pas à sens unique. Or, d'après ce que nous avons du film, d'après ce que nous en avons lu, il est très nettement orienté et il fait l'apologie de certains félagas qui sont eux-mêmes les vedettes de ce film. Vous n'avez pas vu le film? Je n'ai pas vu le film, j'en ai eu des échos. Donc vous demandez son retrait avant? Je demande son retrait avant pour prévenir certains actes qui auraient été regrettables, à mon avis. Nous demandons aux anciens combattants d'Afrique du Nord, d'Indochine, de Corée et de tous les théâtres d'opérations que nous représentons de ne pas aller voir le film La Bataille d'Alger parce que nous pensons que la projection de ce film, en dehors des problèmes artistiques ou commerciaux, fait partie d'un ensemble de la chaîne de subversion contre laquelle nous luttons depuis 30 ans. La commission de contrôle des films a donné son accord pour la sortie de La Bataille d'Alger, mais ce sont les directeurs de salle qui refusent de le sortir. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a refusé ce film-là, nous l'avons annoncé il y a déjà un bout de temps. On devait le passer. Il s'est trouvé devant le nombre de réclamations des associations de rapatriés, des anciens combattants de l'Afrique du Nord. C'est une question de sécurité pour le public qui fréquente nos salles, une sécurité pour le personnel de la maison. Nous avons décidé de sursoir à la présentation de ce film. Vous avez peur qu'il y ait des manifestations contre ce film? Très probablement. Vous avez reçu des menaces? Il y aura cette explosion au Saint-Séverin et ces attaques de groupes d'extrême droite à l'époque. Et donc, il est sorti techniquement, mais il n'a pas été mis dans une grande visibilité en France, enfin sur le territoire français, alors même qu'il devient un des films les plus vus dans le monde où, disons, les forces anticolonialistes ou les forces anti-impérialistes acquièrent des positions de pouvoir. tous les mouvements indépendantistes, c'est-à-dire même l'Afrique. On est dans un mouvement indépendantiste global à ce moment-là. Les pays en Afrique récupèrent effectivement le film grâce à l'État algérien qui offre souvent une copie du film à pas mal de pays, mais aussi des mouvements indépendantistes, je pense tant qu'aux Black Panthers, qui se réapproprient le film et qui font vraiment un parallèle entre Ali Lapointe et Malcolm X, qui font un parallèle entre la Casbah et Harlem, et donc ils obtiennent des copies de ce film-là, et le FBI les arrêtent parce qu'ils, justement, ils ont trouvé des copies de la bataille d'Alger, et il y a un procès qui s'ouvre, Black Panthers 21, aux États-Unis, pour contrer les Black Panthers et les accuser de fomenter des insurrections. Donc, pour vous dire à quel point ce film-là, effectivement, a été un mythe pour l'ensemble des pays et des mouvements indépendantistes, mais aussi pour les militaires, c'est-à-dire que l'armée américaine, par exemple, en s'engageant en Irak et en Afghanistan, le Pentagone convoque un certain nombre de généraux, d'hommes politiques, etc., à voir ce film-là pour voir comment on peut contrer une insurrection, une guérilla urbaine, etc. Donc, le film est vu des deux côtés comme un chemin à suivre. Donc, c'est très étrange. Alors, je ne sais pas après comment... Bon, Pontecorvo est décédé, mais est-ce qu'il aurait accepté cela? Je ne sais pas. Savoir que son film peut être utilisé aussi par des mouvements militaires ou des mouvements fascistes, ça peut poser problème aussi. Une fois le film sorti, avec un passage de génération, c'est pas le film aujourd'hui que tous les Français sont allés voir pour dire « Ah, enfin... voilà ce qu'on a fait, regarder la réalité en face, sortir du déni, enfin bon, toutes ces belles formules qu'on connaît tous très bien, mais en fait pas du tout. Je veux dire que quelque part, avec la sortie du film La Bataille d'Alger dans des conditions régulières et normales, on voit à quel point le problème de l'autocensure française sur l'Algérie est beaucoup plus fort que la censure en fait. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans le déni, presque individuel et personnel, que dans une sorte de refus collectivement organisé par l'État. Les choses sont beaucoup plus complexes, parce qu'on voit bien que la France a fait beaucoup, beaucoup de gestes de reconnaissance, je parle de l'État. L'exemple le plus récent en date, naturellement, c'est l'affaire Audin. Bon, avec la reconnaissance par le président de la République de son enlèvement et son assassinat, est-ce que pour autant, ce type de mesure étatique, donc la levée d'interdiction, entre guillemets, de bataille d'Alger, de sa diffusion plutôt, est-ce que ça va favoriser ces problématiques? Parce que, encore une fois, peut-être que le déni existe plus dans la situation de la société elle-même. Merci à Malak Ben Smaïl, Raphaël Branche, Patricia Caillé, Dao Djerbal, Jean-Michel Frodon, Tramor Kemener et Benjamin Stora. Prise de son. Cyprien, Delimerville. Mixage, Valérie Lavalard. La bataille d'Alger, ou la guerre d'Algérie à l'écran, un documentaire de Séverine Yattar, réalisé par Séverine Cassard. Voilà pour ce deuxième documentaire de notre série de cette semaine consacrée aux révolutions des années 1960. Vous pouvez bien entendu l'écouter ou le réécouter sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, et également laisser vos commentaires sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC.